Chapitre 26e. Jérémy ne croyait pas si bien dire. Une semaine plus tard, Jason rentra chez lui en sifflant gaiement. Oh oh, fit Jérémy, je sens du nouveau. Je te rejoins dès que tu auras fini de te doucher. On se fait un plateau télé ce soir? Père a téléphoné, il travaillera tard. Cela nous permettra de discuter tranquillement. Jérémy, je n'ai plus rien à te dire. Bien sûr que si. Tu rentres ici en sifflant comme un merle, alors que cela fait une semaine que tu fais la tête et tu penses que je vais te croire. Oh, laisse tomber, tu me fatigues. Au fait, ok pour le plateau télé, j'ai une de ces fins. Sous la douche, Jérémy entendait son frère siffler et chanter à tue-tête. Il sourit, se demandant ce qui avait pu arriver pour qu'il soit d'aussi bonne humeur, bien qu'il s'en doutât un peu. Peu après le repas avalé, affalé sur le canapé, il lui demanda « Alors, que s'est-il passé aujourd'hui? Elle est revenue. C'est tout. Attends, je ne le crois pas. Elle revient au magasin 3 semaines plus tard. Tu es dans un état impossible et il ne s'est rien passé de plus. Non. Nous nous sommes encore regardés. J'ai cru que nous ne pourrions plus détacher nos regards. Jérémy, cette fille, j'en suis complètement fou. Mais enfin, tu ne lui as pas parlé? Non, je crois que je n'ai pas osé. Jason, tu es stupide, mon vieux. Elle a acheté quelque chose? Non, elle a juste fait comme la dernière fois le tour du magasin. Était-elle seule? Oui. C'est insensé. Ça veut dire qu'elle est revenue juste pour te voir et toi, tu ne fais rien. Tu restes planté là comme un âne. Bon sang, moi, à ta place. Tu n'es pas à ma place et tu ne le seras jamais. Tout doux, frangin. Je ne veux pas te vexer, seulement t'aider un peu. Je dois faire comme je le sens et pour le moment, c'est comme ça. Tu as pensé qu'elle pourrait ne plus revenir. Elle reviendra, j'en suis certain maintenant. Il n'avait pas tort. La jeune femme du magasin avait eu elle aussi une sorte de coup de foudre pour ce jeune homme si beau, au regard brûlant. Le seul problème qui se posait à elle, c'est qu'elle était mariée. Ce qu'elle ne savait pas non plus, c'était que Jason n'avait que 18 ans. Elle en avait 23 et était mariée depuis 3 ans avec Philippe. Son mari travaillait depuis peu comme aide-comptable pour la banque Emerson. Elle avait déjà raconté à Océane, son amie, sa confidente, sa rencontre avec Jason. De toutes les façons, elle était bien décidée à ne jamais aller plus loin. Marina avait pourtant été très troublée par Jason. Elle pensa qu'il vaudrait mieux ne pas tenter le diable, mais le cœur a ses raisons que la raison ignore. C'est pourquoi elle était retournée au magasin. La troisième rencontre se déroula différemment. Elle devait acheter une petite radio portative pour la petite fille qui l'accompagnait la première fois. Elle alla chercher l'enfant chez ses parents et ensemble décidèrent du modèle. « Regarde Sylvie, dit Marina, celle-ci me paraît très bien. Nous allons demander le prix. » Jason l'avait bien sûr tout de suite vu entrer. Il s'était posté un peu plus loin et malheureusement un client à ce moment voulut lui acheter un canapé. Il n'avait Dieu que pour elle et la vente se déroula comme dans un rêve. Le client satisfait s'en alla régler son achat à la caisse. Pendant qu'il était occupé, son collègue Julien voulut à son tour lui rendre service et se dirigea vers Marina. Jason alors se précipita comme un fou, bouscula Julien qui le regarda bouche bée. « Je m'en occupe, merci quand même. » Et leurs yeux se rencontrèrent de nouveau. On aurait dit que leurs regards pénétraient au fin fond de leurs âmes. « Marina, dit Sylvie, le vendeur est là. « Hein ? Ah oui, excusez-moi, monsieur. Pourrions-nous avoir le prix de ce modèle ? « Celui-ci ? Demanda Jason en montrant celui qui était devant. « Non, celui qui est tout au fond de la vitrine. « Bien sûr, je le sors tout de suite. » Il ouvrit la vitrine, se pencha au même moment que Marina, ce qui fit qu'ils se redressèrent également en même temps, ne se retrouvant plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. À cet instant, Jason fut pris d'une furieuse envie de l'embrasser. Sa bouche s'entr'ouvrit et il serra si fort la radio dans sa main qu'il faillit la briser. Marina, quant à elle, n'entendait plus que son cœur cogner dans sa poitrine. Un léger gémissement sortit de sa bouche. Elle se releva, poussa un profond soupir et fit un pas en arrière. Jason lui donna un prix qu'elle n'entendit même pas. Lui saisissant la radio des mains, elle le remercia on ne sait comment et se sauva vers la caisse du magasin. Elle voulait fuir. Il fallait à tout prix qu'elle respire, ou elle finirait par défaillir. Jason, quant à lui, se traita de tous les noms. Il aurait dû, à ce moment-là, se décider à lui demander au moins un rendez-vous. Ce soir-là, rentrant chez lui, il ne sifflait pas. Jérémy, qui l'intercepta dans le salon, lui demanda « Alors, ça a été aujourd'hui, vieux frère? Traite-moi plutôt d'idiot, je le mérite. » Quand il lui eut raconté, Jérémy se pliait de rire sur le canapé. « Fais pas cette tête, elle reviendra, et cette fois, peut-être seras-tu plus entreprenant, du moins je l'espère. » Je ne crois pas, non, j'ai été tellement stupide. Tu imagines? Ma bouche n'était qu'à quelques centimètres de la sienne, j'aurais pu mordre dedans. Cette fille me rend complètement dingue, j'ai envie de... Hé, passe-moi les commentaires. Je me doute un peu de ce que tu as envie de faire. De toute façon, n'oublie pas que dans 2 semaines, nous partons tous deux pour les USA. Alors si tu veux un bon conseil, oublie-la. Nous devrons rester là-bas au moins 4 ou 5 ans dans le meilleur des cas. Jamais je ne pourrai partir. Je veux cette femme, Jérémy, elle est pour moi. Elle est la femme de ma vie. Est-ce que tu peux seulement comprendre ça? D'accord, ne t'énerve pas. Au fait, j'aimerais bien la voir. Je ne travaille pas la semaine prochaine. Si elle vient au magasin, appelle-moi. Oh, je me ferai discret, rassure-toi, elle ne me verra pas. Tu me le jures? Parole d'honneur. La semaine suivante, Marina décida de se brûler une dernière fois au feu de la passion. Il faisait un temps splendide. Après un tour au parc, elle entra dans le magasin et se promena dans les rayons, sans apercevoir l'objet de son désir. Celui-ci était en effet penché sur une armoire avec son collègue Julien. Cette dernière avait bien failli s'écrouler sur un client. Le patron les avait priés de faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Il leva la tête un instant et resta cloué sur place. Elle était là, devant lui, qui d'un bref coup d'œil regardait Julien, puis ses yeux se posèrent sur les siens, et il murmura à son collègue « C'est elle. « Comment? Que dis-tu? » Il ne répondit pas tout de suite, il ne le pouvait pas. Il la regarda passer et s'en aller sans bouger un cil. Julien le bouscula pour qu'il redescende sur terre. Hey, « Hé, qu'est-ce qui te prend? Qu'as-tu dit tout à l'heure? Je n'ai rien compris. « J'ai simplement dit c'est elle. C'est la femme de ma vie. Tu as peut-être oublié un petit détail, mon ami. Lequel? Tu as regardé sa main gauche? Non, pourquoi? Je n'ai vu que ses yeux, sa bouche. Elle a une alliance, elle est mariée. Que dis-tu? C'est impossible, elle est si jeune. Non, tu as sans doute mal vu, répondit Jason soudain bouleversé. Je t'assure que c'est une alliance. Il faut que je voie ça de mes propres yeux. Il descendit à toute vitesse de l'armoire au risque de se rompre les os et courut jusqu'au fond du magasin où il l'avait vu disparaître. Quelques instants plus tard, il se cognait à Jérémy. « Fais un peu attention, c'est comme ça que tu accueilles les clients. Ce pauvre magasin court à sa perte. Mais que t'arrive-t-il? Tu es blanc comme un linge, tu te sens bien? Elle est mariée. C'est fini, terminé, avant même d'avoir commencé. Je suis mort, mort. Bon, je te ramène à la maison, tu n'es pas en état de conduire. Je t'avais dit de l'oublier. Si c'est bien elle que je viens de voir passer, c'est vrai qu'elle est jolie et a des yeux superbes, mais elle n'est pas pour toi. Mets-toi cela dans le crâne une bonne fois pour toutes et... Arrête, Jérémy. S'il te plaît, tais-toi. Emmène-moi. J'ai envie d'être seule. Pendant 3 jours, Jason resta dans sa chambre. Il ne se lava pas, ne se rasa pas et ne mangea pas. Robert, qui commençait sérieusement à s'inquiéter, demanda à son autre fils « Tu sais ce qu'il a, n'est-ce pas? »« Oh oui, je le sais. Il est amoureux d'une femme mariée. »« Oh non, pas ça. » Et que fait-il tout seul dans sa chambre? Il déprime, papa. Il n'a su qu'elle était mariée que 3 jours auparavant, mais pendant 1 mois et demi, il s'est mis dans la tête que c'était la femme de sa vie. Depuis si longtemps déjà? Il ne m'en a jamais parlé. À moi, oui. Il faut que j'aille lui toucher un mot tout de suite avant que cela n'aille trop loin. Vu son état, j'ai bien peur que cela ne soit déjà trop tard. Cela ne servira à rien, crois-moi. Il veut rester seul et il doit manger. Est-il devenu fou? C'est à peu près ça, oui. Il faut que j'arrive à remettre un peu de bon sens dans la tête de ce garçon. Robert frappa à la porte et, n'obtenant pas de réponse, se permit d'entrer. Jason, nu dans son lit, était endormi. Lorsque Robert s'approcha, il découvrit son tube de somnifère complètement vide par terre. « Jérémy » cria-t-il. « Jérémy, appelle vite le docteur Elliot. Vite, dépêche-toi !» Et se penchant sur son fils, « Jason, réponds-moi, Jason. Celui-ci émit un vague grognement. « Jérémy, bon sang, mais que fais-tu ?» Son fils arriva en courant, se cognant le pied sur le montant de la porte. Il jura « Nom d'un chien, mais que se passe-t-il à la fin ?»« Ton frère a avalé tous mes somnifères. Il faut le lever et le faire vomir. Cours à la cuisine et prends de l'eau chaude avec du sel. En attendant, aide-moi à le lever. Allez, bouge-toi, vite !» Ils le mirent debout et Robert le soutint du mieux qu'il le put, essayant de lui faire faire quelques pas. Il marmonnait « Pour une femme, tu es complètement fou, mon enfant. Tu ne sais pas que tout peut toujours s'arranger. Bon sang, Jason, si je te sors de là, tu vas m'entendre. » Revenu avec un verre plein d'eau chaude, très salée, Jérémy et Robert le traînèrent jusqu'à la salle de bain et le firent boire et vomir longuement. Puis, en attendant le médecin, ils le firent marcher et marcher encore. Enfin, le docteur Elliot arriva. Après consultation, il déclara Jason hors de danger grâce à la présence d'esprit de Robert. Il lui fit avaler une cafetière entière de café noir très fort et disparut en laissant à son ami les soins à prodiguer à son jeune fou de fils. Robert l'admonesta quelques jours plus tard. D'un seul coup, Jason lui demanda « J'ai rêvé ou je t'ai entendu me dire que tout pouvait toujours s'arranger ?»« Non, tu n'as pas rêvé !» Mais dans un cas comme celui-ci, mon fils, j'ai bien peur. Mais nous n'avons rien fait pour le savoir. Tu voudrais me faire une grande faveur, papa. Je vais partir avec Jérémy faire mes études. En attendant, j'aimerais que tu te renseignes sur elle. Tu connais son nom, mon fils? Non, mais je peux peut-être le savoir. Elle a fait un achat, donc il y a une facture. Et il y a probablement son nom dessus. Je t'en prie, ne me refuse pas ça. Robert enquêta. Madame Marina Leroy était mariée depuis 3 ans à l'un de ses employés et apparemment très heureuse en ménage. Robert ne dit rien à son fils. Il préféra attendre que celui-ci revînt en France après ses études pour lui en parler. Il aurait eu le temps de mûrir un peu et ferait peut-être un peu moins de bêtises. Pendant 5 ans, Jason n'arrêta pas de parler de Marina à Jérémy. Il finit par obtenir son diplôme 1 an avant son frère, tellement il avait hâte de rentrer en France pour revoir la femme qu'il aimait à la folie. Pendant tout ce temps, Jérémy écrivait de longues lettres à son père, lui apprenant ainsi que, loin d'oublier la jeune femme, son frère était encore plus épris d'elle. Lorsque ce jour-là il descendit de l'avion à Paris, Jason se dit qu'à présent, sa vie allait vraiment commencer. Lorsqu'il arriva chez lui, il serra très fort son père contre lui. Lisbeth était en Suisse dans un collège et Mike en Angleterre à Oxford. Son père était seul depuis bientôt 3 ans. « Cela me fait tellement plaisir de te revoir, mon fils. »« C'est réciproque, papa. Tu as l'air d'un jeune homme. »« Un jeune homme qui se fait toujours beaucoup de soucis pour ses enfants. »« Comment vas-tu, Jason ?»« Tu n'as pas eu de nouvelles de Jérémy ?»« Il me semble qu'il te faisait régulièrement un compte-rendu de tout ce que je lui disais, non ?» Robert baissa la tête en rougissant un peu. « Je voulais juste savoir comment tu allais, mon fils. Ne me le reproche pas. Tu n'avais qu'à me le demander, papa. Mais comme tu le vois, ça va. Tu as des choses à me raconter. »« À quel propos ?»« Ne tergiverse pas, je t'en prie. Tu le sais très bien. Je veux tout savoir sur elle. » Robert lui montra alors le résultat de son enquête. « Bien, fit Jason. Ce n'est pas grave. Je me rappelle toujours tes paroles. Tout peut toujours s'arranger. Jason, tu as 23 ans, tu es encore si jeune. Ne gâche pas ta vie à attendre cette femme. Elle t'a sûrement oublié depuis longtemps. Je ne veux pas te faire de peine, mon enfant, mais son mari travaille à la banque avec nous, dans le service comptabilité. C'est un homme très bien et qui adore sa femme. Arrête, je t'en prie, arrête. Tu sais que je l'aimerai toujours. Au plus profond de moi-même, je suis certain qu'un jour nous serons réunis. Tu es têtu, mon fils, et je ne te le reprocherai pas, c'est une excellente qualité dans certains domaines, mais enfin, comme dirait ton frère, tu as de qui tenir. Mais là, franchement, tu me fais peur. Et si ça n'arrivait jamais, recommencerais-tu la stupidité de la dernière fois? Je ne peux pas te promettre que cela n'arrivera pas, papa, mais j'ai envie de vivre, pour elle. Je suis sûr que tu peux comprendre.